She snouted all the keys. Got her screaming, RP the keys. Our niggas can't stand us. Dog, put your mans up. Walked her down in land guns. Pocket full of grandparents. Old school, the Trans Am one. Cullin' in the MLMs one. You good, your mans can't come. I don't give a fuck about none. Yeah. Ski. Hey, say gang. Hope it don't thick like syrup. Elevator pad at the crib. Trapping bags all on the floor. Never seen me twice with a hoe. Backyard vibes by the ocean. Driveway look like a car show. 350 million on the go. Custom leather pushy on the dope. 50 birds of dog on my wrist. Cocaine jumping off my bitch. 32 shots with the glitch. Talking Vicks, then we talking Chris. Micro mini with a beam. Print the side holes and Celine. Geeking out the millions like a bean. Push a button and make your mama grieve. Eat it up, she working for a boss. Out the country living like a boss. Princess cut ain't showing not a flaw. Graduated cooking up the raw. Pushing skateboard Tony Hawk. Cranking up the car when I talk. Alligator Hermes stuff. Dropped $8 on the truck. Codeine bought a day for us. Put them legal streets on the bus. Off tour straight to the pit. Three bad bitches getting hit. Solitaires made the eyes squint. Smell the dirty money through the vents. House full of dead presidents. Wham. Spider. Hey, say gang. Move. All these sexy guys in the club. Up, up, up. You see all these sexy guys in the club. Up, up, up. Oh, girl, I wanna hold on you tonight. Every time you walk in the club, girl, I want you to be mine. Girl, I want you in my life, I swear. Teasing me, I feel you feeling me. Your eyes talking for you, make you say focus on me, focus on me, focus on me. Put your body on me. Girl, I want you to know the things I wanna do to you. You're a bad girl. You know I need that girl. Girl, I know I'm feeling you. When you touch it, when you rock it, you're so spiritual. When you rock it, I'm reversing. Girl, I need it all. All these sexy guys in the club, up, up, up. All these sexy guys in the club, up, up, up. Baby boo, tu sais. trop les crocs. Des raclés prêtes à quitter leur vieux raclot. Je l'ai tué puissance suite, telle une recrue. Ils m'ont pris mon discernement comment la police. Sexy ghetto, appelle-moi Freaky Malpoli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramollie. To my body, they can't change my mind, cause I'ma love you regardless. I'm just being honest, cause the heart don't lie. When the world don't tell the truth, the heart don't lie. Don't see what I see in you, yeah. Remember the times you was down for me, when they wasn't around for me. You gave me love, it was constantly, with no apologies. Up in the raven we out, rolling you flooding me out. I love how you showing me off. Sex so sweet, I fall deep, it go crazy. Love language when you talk to me, baby. I'll go with you wherever this takes me. Takes me, go on. I swear you got me open, you don't know what you started. Tell me where you going, here's the map to my body. They can't change my mind, cause I'ma love you regardless. I'm just being honest, cause the heart don't lie. When the world don't tell the truth, the heart don't lie. Don't see what I see in you, yeah. Sex so sweet, I fall deep, it go crazy. Love language when you talk to me, baby. Go with you wherever this takes me, takes me. I swear you got me open, you don't know what you started. Tell me where you going, here's the map to my body. They can't change my mind, cause I'ma love you regardless. I'm just being honest, cause the heart don't lie. When the world don't tell the truth, the heart. Double up, bust on a watch. She know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that gun off the hit. Pockets on 22 clip. I break a heart, cut my ghost soul. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get ready to lick. I had to tell her that Alice is, I was a dick, no else. She singing my songs, she wanna dial it. Tryna get hit, pass like a bait. Deposit it, deposit that check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. I roll a wrist, she in the sky. Hell of a cat, push out the church, falling in pets. Yeah, I spend it in Paris. That's for these, they finna f. Just for fun, it's all they bought. Them dust finna hit, I'm feeling him. I'm rusting it all on my D-words. I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. Yeah. If I was you, I would cut up my wrist. Yeah. XO tatted all over her body. Oh. Shit is swallowed, rolling, I don't mind it. Yeah. Ever since I was a G, I've been legit. Now, you should let her go, she wanna be next. Double O tatted on her body. BBC boys on the creep. Feel like it's all three. Neptune drum with a beat. She hit me flipping a beat. She wanna f*** with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Ooh yeah. Her man quiet, not a peep. Broke his heart, PTSD. On his chest, let it breathe. Let it breathe. Scheming, I got a priest, he got a cross. Get out of line, send him to God. Shed a tear, pray for her loss, oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut out my wrist. Exotic all over her body. She didn't swallow, rolling, I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Vous êtes connecté sur Move. Le Wake Up Mix Move de DJ First Mike. DJ First Mike. Every day, un concours après la moula. On a trop souffert, on est trop resté au goulag. Every day, un concours après la moula. Et j'ai évité, car c'est plus que de la moula. Et qui fait salade. Elle en redemande encore. C'est mon train de vie. Toute la night à compter mon oiseau. Je t'emmènerai n'importe où, où cette life m'amène. J'utilisais toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. J'ai passé toute la night à compter mon oiseau. Je t'emmènerai n'importe où, où cette life m'amène. J'utilisais toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Avant de prendre l'hypercule, tout le monde a un projet. Et puis tout s'éteint. Pour combattre l'empire, il me faut R2D2. France rime avec chant, je crois en aucun des deux. Elle veut mon WhatsApp, mon numéro de chambre. J'ai la main dans ses cheveux, je dis elle se tourne. Je finis sur son dos, précis comme Rondo. Triche comme un bongo, bang, bang. On les aime fraîches, bien michto. Ça va cueillir comme dem, dem, bang, bang. Bien misto, ça va cueillir comme dem, dem, bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. On les aime fraîches, bien misto, ça va cueillir comme dem, dem. Bendo na bendo, j'contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violence et violence, charron c'est charron. Charron, oh seigneur, j'suis barjo. Bitesse, bâtard en couru. Chien, chien, c'est bâtard en couru. Qui va finir avec des balafres, voilà. Toujours un flingue quand je me balade. Normal. Ma chérie trouve que je suis malade. Oh, bendo na bendo, je contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violence et violence, charron c'est charron. Charron. Oh, seigneur, je suis pas chaud. Ben, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends. Et je paye tout avec une pute. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux doigts de prendre des années de terre. Mais maintenant elle veut se baiser avec moi. Sans demander mon avis. Du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le mafiqué. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche. Je suis tout en neige, pas d'habit. Ma BTM, voiture de luxe. Je suis au volant de la RR. J'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Rien n'a changé, je suis dans le bendo. Je suis crade, rempli de crachat et de make-up. Je suis dans le caca, tout bain, tout neuf, faire neuf. Je fais même sauter sur mon capot. Je suis dans le truc, sa mère la pute. Je peux se rentrer qu'un gros 6 de ce cul. Comme je suis fait des nuls, je suis obligé. Mais ce qui m'est en kit. On m'a gardé du sel. Dis plus quoi de la baie. T'es qu'un ceinture sur scène. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG. Vive l'argent du raté. Nickel et PDG. Nickel et nickel et PDG. Elle a pas ses règles, la bouillarde direct. J'étais à deux bois, sa mère, j'suis trop méchant. J'sais même plus combien j'ai pu mettre. Les têtes, les dames, ne jouent pas au con. Ta vie, je sais comment l'abréger. Les keufs me voient, ne montent plus le ton. J'ai trois fois le salaire de l'OPJ. La peau est bonne, les prix sont bons. J'ai deux, trois contacts vers la Belgique. Allô, Bigo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, j'suis encore obligé. L'argent, ça ne s'attend pas. Les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Franck Lambert. C'est des balles de pouce qui sont sur l'impact. Boba, bouge tes locks. Pendant que j'rappe mon club dans le froc. Oh putain, là j'suis mort. J'crois que j'ai mis ma putain cloc. On va aller du sel. Dis plus qu'au de la baie. Vous écoutez vous. Mets ta ceinture sur scène. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG. Vive l'argent du raté. Nickel et PDG. Nickel et nickel et PDG. Moi j'ai ce que j'te raconte. En vrai si tu fais ton c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai plus beaucoup de chips que du bon coup. Dans ma tête, je veux pas continuer. C'est ma gasolina, y'a mes gasolina. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. 11h43, chez les deux cons, les ennemis me font pas peur. Il faut couvrir à midi, j'ai des outils dans le jean. La vengeance de prendre le dessus, je coffre ça dans le congélateur. Retrouvez le Wake Up Mix de DJ First Mike dès lundi 6h dans On n'est pas fatigué sur Move. Move. Move. Hey Doc, I've been ready. Yeah. Please excuse me while I kiss the sky. Thank you for letting me be myself again. Yeah. Please excuse me while I kiss the sky. Things just ain't the same for gangsters. Times are changing, young niggas is dangerous. Rich and shameless, do anything to be famous. If you're talking about this crippin', then you speak in my language. That's how you feel waking up with the world up under you. I'm rolling blunts, fucked up, it's so comfortable. I'm revving up my revenue, I'm unavailable. Somewhere in Malibu, somehow I made it off the avenue. Once upon a time, the dog went through it all. Withdrawals and breaking laws, the streets under my paws. In the field, ducking sales, close calls. We big whales, got fish scales, that snowfall. Shit, I like to thank me. And if we talking about the West, nigga, thank me. Walk of Fame made a name, better thank me. Ain't nothing new, this is what I'm born to do. I just wanna say thank you for letting me be myself again. Yeah. Please excuse me while I kiss the sky. Thank you for letting me be myself again. Yeah. Please excuse me while I kiss the sky. Now you gon' fuck around and find out. I think you niggas need to take a time out. Might have to leave a dose of me on the upholstery. High level potency, better than dope for me. Yeah, you fucking with a winner, winner. Shit, it's been a minute since we went up. Now with 6 billion ways to get it, choose one. Snoop Dogg, look how I did it, hell of a run. Income, tick, tick, bomb, remain calm. Dropping napalm, I'm in here with both guns. How I made mine, click, click, boom, it's showtime. Nigga, these days I'm throwing money like gang signs. Look, now I ain't felt this gangster in a minute. All on your television, cleaning out my image. When shit get heavy, you know a nigga push the limits. Locking up on every corner, I'm just here with Mona. Thank you for letting me be myself again. Get high, yeah, yeah, yeah, yeah. Please excuse me while I kiss the sky. Thank you for letting me be myself again. Get high, yeah, yeah, yeah, yeah. Please excuse me while I kiss the sky. C'est la guérilla, mi amore, ta-ta-ta-ta, y'a rancore. La marijuana et l'alcool, ta-ta-ta-ta-ta, platine dorée. C'est Osha, j'suis dans l'or et le platine. Et y'en a qui aimeraient me revoir galérer au chantier. Ouais, c'est Osha, j'ai le pied au plancher. Tu peux me croiser le soir en surprise dans ton quartier. Tout ça pour la maille, tout ça pour la maille. La haine, tout ça pour la maille, tout ça pour la maille. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Claro que lo hacemos por el dinero, pero lo hacemos con amor. Mírame el favor, respeta los rangos de Europa y US. Estamos liderando en los platinos y los oros se van acumulando. Seguimos sentados en el banco quemando marihuana y cash, las estrellas mirando. Dos pijitas y él, un chico de bando. De que los dos estemos caminando. Seguimos sentados en el banco quemando marihuana y cash, las estrellas mirando. Dos pijitas y él, un chico de bando. De que los dos estemos dominando. Tout ça pour la maille, la haine, tout ça pour la maille, tout ça pour la maille, la haine. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Feeling, you know? Thou shalt not fuck with North Sea East. And it's tinted out cheap, two freaks from overseas. Talking to my man about keys, he in Belize. Deported, he got caught up with something to stop your sneeze. God, please, let me taste success. We go to France, champagne with the grapes compressed. One pull of this East Coast, I better take your breath. Everybody went right, that's why I made a left. I'm popping magnums, why Scott bagged something? Time's kinda different, gotta keep the mask on it. Stash in the truck, TV's in the headrest. 360 walls in the crib where I live. Older people jogging, it's a bunch of days where I live. We ain't have much, it was just beer up in the fridge. I was embarrassed, it was hard to be with the other kids. They talked about my life, then I started stealing bikes. Got a little older, then we started getting in fights. We grew up in court charges, lawyer fighting for my life. We no longer juvenile. Boy, my story should get deeper than a root canal. I just hope that shooter proud. Feel good that we ain't give up. Pour me up, my cup ain't filled up. You know what's up. Feel so good that we didn't get caught. Couldn't afford it, so it ain't get bought. I'm just thinking, God, we ain't get caught. That's all I thought. Baby, seasons change and we still remain closest friends. Distant strangers, we knew where this shit began. Now passing judgment. Never getting caught. Never. Ferragamo on my shirt. shirt while I sit in court. Even my lawyer got on Prada. Come and get a job, you can meet me at the plaza. Three-piece suits and a coupe, I'm knocking Snoop, and this OG tastes like a fruit. I was hiding evidence while he was looking for proof. Marble floors, elegant, such a heavenly view. I wake up and hear the birds singing, such a beautiful song. Was guilty to proving innocent, but knew I was wrong. Beat the case, passport, I gotta get some stamps. Dark times in my life, it was hard to find a lamp. Still think about my losses to remind me I'm the champ. Got some pride again from Boston, had to try it, it was damn. Know the only way to brand it in the hood, it need a stamp. Running the streets so long, my legs, they caught a cramp. VVS is like I planned a diamond heist. Private flights, good time, smoking dynamite. Block eye, Pablo, Scott Storch, Calabo. Two living legends with mad dojo, you know. It's so good that we didn't give up. It feel good that we ain't give up. Pour me in my cup, ain't filled up, you know what's up. Feels so good that we didn't get caught. Couldn't afford it so it ain't get bought. I'm just thinking, God, we ain't get caught, that's all I thought. About you and they

c'est bon, pour moi c'est bon. Move Radio. Sono che qualcuno ti spara. Non ho mai problemi, ma purtroppo io mi mischio nei problemi degli altri perché a me la mala. Non mi fa paura, più paura del giudizio, che mi possono dare un manco, quello non porta a nada. Che soffre mamma, io mi mafo questa vita, sarò soltanto. Scucci la capciri si pisse, crebbe il carcasson. Che mi bu carabinisse, giac il parasol. C'è la vita, harbi di ghise, vai dalla la zone. Fesh che ci berghe te vise, tu fai il corazon. Harbi con i flash on serise, o respecte ta zone. Sculi gărci la rambe album, ma ci fa mazon. L'époque chez Zelko, c'est la coco best court. Pour bien faire comme Zelda, mon casa c'est du Zeldorf. Frappe sur le bord, normal que j'ai un de mes scores. Quand l'autre a un de fresco, va que me chuchir best of. Rap a dit les sports, rap maghrébé bless hor. Quand tu sais n'est-ce qu'il est extra, par chouquen à marre mes spots. Liberté est scot, j'ai hi l'gai les expats. On s'pire gai les expats, on s'pire gai les expats. Solo a guardare quella tua faccia da cane, come parli già si vede che tu pipi. Non ho a che fare con i tossici puttane, preferisco stare in giro con i bimbi. E a raccontarli quando stavamo al verde per due spicci ci buttavamo nei rischi. Anche senza avere nulla in tasca eravamo sì contenti, ora di che volti tristi. Comme Jeff Bezos, je suis le gardien des clés de la ville. Je l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts sur le pare-brise. Viens partager ma misérable vie. Je crame sur un maxi scooter sans plaque. J'arrive au bled, le sol, je l'embrasse. Le mindset pour soulever des montagnes. Depuis long time, je mets les gaz. J'ai les stats de Kevin Durant. On est solide comme les frères Durant. Fais rouler sur l'orage. On ramène le butin au village. Moi qui t'ai abandonné, derrière le temps, je cavalais. J'laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal, j'fais des tales, étape par étape. Mais l'état veut me voir m'éteindre, j'fais des tales sans temps d'arrêt. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps j'cavalais. J'laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal, j'fais des tales, étape par étape. Mais l'état veut me voir m'éteindre, j'fais des tales sans temps d'arrêt.

Je te dis je t'aimais pas tout le temps. Ça veut pas dire je t'aime plus. Deux soins à l'air sur le périph. S'il te plaît, accroche ta ceinture. Pas sur moi, mais c'est pas grave. Hein. Pas tant pour les palabres. Hein. Sur moi, j'ai la scalabre. Hein. Faut ta merde, sont pas un âme. Hein. C'est pour la vie, on s'est dit. Tu l'offres que toi, mais ma lady. T'es mon étoile, c'est une dinguerie, mais tu es ton amour ou ton pur ennemi. Je te dis, je t'aimais pas tout le temps. Ça veut pas dire je t'aime plus. De toi, à l'air sur le périph. S'il te plaît, accroche ta ceinture. Pas sur moi, mais c'est pas grave. Hey. Pas tant pour les pas là. Hey. Sur moi, j'ai la scar. Sur le périph, ouais. S'il te plaît, accroche ta ceinture. Pas sur moi, mais c'est pas grave. Hey. Pas tant pour les pas là. Hey. Sur moi, c'est la scalade. Hey. Faut ta merde, c'est pas un âme. Hey. C'est pour la vie. Pussy be the gun, pussy be the gun, pussy be the gun, pussy be the gun, pussy be the gun.

crains de vie noire, elle veut que je vieillisse à ses côtés. Que ça finisse en beauté. Minuit dans le square, je pense à toi. Est-ce que tu penses à moi? Là, le temps d'un couplet. Juste le temps d'un couplet. T'es mon diamant, t'es ma collabo. Moi, je souris jamais, je sors en commando. Y'a qu'un seul capitaine sur le bateau. Et c'est cool qui protégera mon dos. Si t'as tort, fais-moi plaisir, j'avoue, j'oublie ton côté jaloux. La personne que je suis demande toute ton attention. C'est les petits détails qui font que je suis branché sur toi comme jamais. J'y mets pas le cœur, non, si c'est pas vrai. Fais-moi danser avant que nos chemins se séparent. J'suis dans une sale histoire. Les deux pieds de chaque allô, chérie, demande pardon. J'avoue, c'est trop. Les fils to fils, mon amour. Alors, avoue, y'a trop de choses entre nous. J'ai à quel point t'es dangereux quand tu veux m'impressionner. Ignore right now. Now don't understand why you mad at the boy right now. Cause I know you wouldn't want me, I was poor right now. Tears on my face, they dropping and they pour right down. Cause I know what you really out here and on right now. When I know about you, anything can start right now. Man, I love you, it feels like a chore right now, yeah. Please don't do no mouse right now. If I hit you up, please don't go ghost right now. Don't do it to me, don't do it to me, babe. Don't do it to me, don't do it to me. Please don't do no mouse right now. If I hit you up, please don't go on ghost right now. Don't do it to me, don't do it to me, babe. Don't do it to me, don't do it to me. I met you on a whole different wave. I ain't know nowadays, we you be going in space. I ain't know nowadays you be going out late. I ain't know nowadays festival was your safe place. Oh, I know nowadays that I came too strong. Yeah, I know nowadays that I really ain't the one. Yeah, I know nowadays that you don't even like my song. It's your reflection from everything I did, so I'm the cause. Please don't do no most right now. If I hit you up, please don't go on ghost right now. Don't do it to me, don't do it to me, babe. Don't do it to me, don't do it to me. Please don't do no most right now. If I hit you up, please don't go on ghost right now. Don't do it to me, don't do it to me, babe. Don't do it to me, don't do it to me. Me. Who won the world? Girls, girls. Who défiler du bout des doigts. Tout le regard passé, mais il s'arrête que quand on s'y perd à scroller à chaque fois. Est-ce que c'était mieux avant quand on courait après? De toute façon, on va pas se bouger. Après dire, on est plus bon qu'à se toucher. Après dire, on a les couilles toutes séchées. Les semaines passent comme les images, je les connais déjà. Mais c'est pas si mal, ça me met calme. Les gens, j'évite, je les connais déjà. Eux et tout leur feed. Les semaines passent, plus besoin de vous parler, plus besoin de vous voir. Dans vos stories, j'entends déjà vous voir. Je me sens si seul parfois. Parfois, souvent ou tous les soirs. Les journées défilent, je les vois même pas. Les journées défilent, ah ça je connais déjà. Les journées défilent, tu les vois même pas. Les journées défilent, ah les vas-y fais, vas-y fais défiler, fais défiler. J'ai déjà vu, fais défiler, fais défiler. J'ai déjà vu. Les moments passent comme air. Donc, fais défiler. On est tout le temps ailleurs. Donc, fais défiler. On veut tout vivre comme hier. Donc, fais défiler. On confine et on l'aime. J'ai déjà vu, J'm'en lasse. Bah, j'crois toujours tout ce qui ne me blesse pas. Hein. J'apprends ce que j'ai pas besoin de savoir. J'en vois de toutes les couleurs. Tellement, tellement, tellement, tellement que j'ai pas besoin d'aller ailleurs voir mieux. Je fais défiler des coachs et des faux prophètes qui font défiler des infos incomplètes. Et seconde après seconde, je me rends compte. Les semaines passent comme les images, je les connais déjà. Mais c'est pas si mal, ça me met calme. Les gens, j'évite, je les connais déjà. Eux et tout leur feed. Les semaines passent, plus besoin de vous parler, plus besoin de vous voir. Dans vos stories, j'entends déjà vous voir. Je me sens si seul parfois. Parfois, souvent, tous les soirs. Les journées défilent, je les vois même pas. Les journées défilent, ah ça je connais déjà. Les journées défilent, tu les vois même pas. Les journées défilent, ah les vas-y fais, fais défiler, fais défiler. J'ai déjà vu, fais défiler, fais défiler. J'ai déjà vu. Les moments passent comme air. Donc, fais défiler. On est tout le temps ailleurs. Donc, fais défiler. On veut tout vivre comme hier. Donc, fais défiler. On confine et on l'aime. J'ai déjà vu, Il se passe air. Donc, fais défiler. On est tout le temps ailleurs. Donc, fais défiler. On veut tout vivre comme hier. Donc, fais défiler. Donc, on confine et on l'aime. J'ai déjà vu, Vous êtes connecté sur Move. Le Wake Up Mix. Move. De DJ First Mike. DJ First Mike. Allô? Hey baby, allô? J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. J'hésitais mais faut qu'on est gros, de t'entendre je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon coup de rêve, les gens d'un jour te voient rougir. Baby, Angela, breaking from Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Angela, Angela, breaking from Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Angela. Me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Como te explico, me complico. A mí me gusta pasarla rico, no me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen donde tengo, pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, López Santa José. Y yo no me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? Complico, a

affilié. Mon train de vie ici bas n'est pas assuré. Tes fleuves de larmes couleront à la mer. Tout est si beau, les roses poussent dans la merde. Lueur d'espoir m'éclaire, mais je suis mal luné. Ce cœur de pierre finira par tout ruiner. Amour et guerre souvent ne font pas la paire. Mes ennemis sur la place veulent me lapider. Je suis en lunettes quartier. Posé dans le quartier. T'attends que je te rappelle. Ce soir, non, je vais pas rentrer. Je dois surveiller le cartel. Y'a plus rien dans le sachet. Les grosses têtes vont se fâcher. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. Fais trop mal au crâne, c'est comme une maladie. Sans vraiment savoir où j'ai mal. Et tes copines veulent tout gâcher, à chercher mes erreurs. Et si elles arrivent à trouver, y'aura des cris, des pleurs. J'dois faire de toi ma femme. J'en ai vu défiler des centaines. Moi j'suis un loup du bac. À mes côtés, il me faut une panthère qui ressemble à ma mère. À la vie, à la muerte. On s'oubliera peut-être par fierté. La reine du royaume, c'est toi. Ma fille, ça sera une princesse. J'voulais juste la paix. Moi et ma belle, dans le classe S. Oh, mi amor, c'est que nous deux. Fuck le reste, c'est toi la best. T'as classe à faire, si c'est trop la guerre. À toi mon bébé, à toi ma future femme. Y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort. Un avenir avec un lien. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie d'OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Ouais. Hey, hey. Trouvez le Wake Up Mix de DJ First Mike dès lundi 6h dans On n'est pas fatigué sur Move. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lesser. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, lawyer with me, we ain't got a cow. Silly on silent, put the product in the pillar loud. Money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh fit, getting fitted on that top grid. No, you ain't walking out alive, smoking what we on. And you know I got it poured for the ones who gone. R.I.P.'s in your memory, we carry on. When I die, they will not bury me, not what I want. Burn my body, pour my ashes in the river, y'all. That's how we know ain't that the flow about to carry on. See, immortality's a fallacy, I prove them wrong. That's how the family gon' carry me the way beyond. Anything you've ever known, anything you've done. They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, get up on my dick. Get up out of it, what you think this is? And we ain't worried about it, why she skirt the whip? They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, get up on my dick. Get up out of it, what you think this is? And we ain't worried about it, watch me skirt the whip. Swerving, moving to the money like it's urgent. Hands on God, so I'm in it like a surgeon. The skin color like the bourbon. Worldwide sign, and we face closed curtains. I hear yo, nothing ever certain. Only thing that's promises, that promises are broken. Yeah, so we finding ways to cope there. Only thing I'm breaking is her back with emotions. Yeah, baby girl, bring out the goodies. Stuck it in inside the hoodie. Now we turning out your buggy. It's cool, I used to fight the bullies, now I'm fighting with the law. I guess some things don't leave me fully. Yes, they try and push me, then they try and pull me. Mad I when I budge, if you got it, then just call my bookie. And my bookie taking bets. Profits as a profit when you know what's coming next. Like, ooh. Yeah, baby, go bring out the goodies. Nothing in inside the hoodie, now we turning out your buggy. Yeah, it's cool, I used to fight the bullies, now I'm fighting with the law. I guess some things don't leave me fully. shine. Push me, then they try and pull me. Bet I win, I budge. If you got it, then just call my bookie. And my bookie taking bets. Prophesize a prophet when you know what's coming next. Like, money on my mind, we gon' run it up. See what you gon' find, baby, push your luck. We been underground, we been getting up. Got that time for you fucking bums. Money on my mind, we gon' run it up. Move. All of the chicks, y'all up in the party. Yes, I'm a local. And I ain't never tapping out like we wrestling. Throw it back, back, back on it. On. Got all these boys mad cause I pass on it. I'm a fly bitch, come on baby, spin a bag on it. Yeah, we so extra, feeling like young in the rest. Got Cupid's diamonds on the neck, red rock the best. Women get wild when you don't pay for the breast. I got faith in the hook. Watch these haters throwing that salt. I roll with the top off. Go back to your man, buying your knockoff. Girl. Je les déchire, baisse le clear, il fait une OD. Elle a M-A-N-O-Z-E. Elle a M-A-N-O-Z-E. Moi, ton poteau, je suis là pour la M-O-U-L-A. Je dois finir ma vie à Miami où elle est. Shoot, et tout le stade fait la hola. Elle me voit à la TV maintenant, elle me dit hello. Elle me voit à la télé maintenant, elle me dit hello. Je veux devoir aller la baiser au télo. Je veux devoir baiser sans connaître son prénom. Je veux devoir aller là, aller là. Big up à ceux qui la volent. Cocaïna ou la vente. Réal vie, pourquoi ton gars il l'a inventé? NTM si t'étais pas là avant. Ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. J'aurais dit que je prépare une grande OP. Ok. Paralyse Bédo, calme, ok. Te paralyse avec une balle, ok. J'aurais dit. J'suis pas ton ami, j'suis là pour l'amour, là toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour l'amour, là toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour l'amour, là toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour l'amour, là gars. J't'avais dit que j'étais. J't'avais dit que j'étais carapoté. Karaté, il voulait carotter. Devant le gun, fais du karaoké. C'est qu'on a pas la même vie. On n'a pas le même vécu. Et choqué de me voir marcher serein en ville. À la base, c'est nous, on faisait ta sécu. J'arrive en auto, en mauvais, en méchant. T'étonnes pas de me voir, des fois, et méchant. Parano, je sais que les jaloux mes gens. Parano, m'invite pas à manger le michu. Jamais on cave, pousse devant la juge innocent comme le petit Nicolas. Belinda, maintenant, elle retourne son collant. Hop, maintenant, il demande une collab. Ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. J'aurais dit que je prépare une grande OP. Ok. Paralyse Bédo, calme, ok. Te paralyse avec une balle, ok. J'aurais dit. Move. The man